J'achète pour la recette de la blanquette un petit verre de vin, de carottes au moins, un bouillon de poule, un oignon de vesoul, champignons émincés, crème fraîche à hausser, puis un kilo de blanquette de veau. J'achète pour la recette de la blanquette. Faites revenir la viande dans le beurre, laissez frémir, prendre de la couleur, puis saupoudrer de farine de blé, bien remuer et laisser colorer. J'achète pour la recette de la blanquette. Ajoutez 2-3 verres de vin pas très cher, du bouillon de poule et un peu d'eau qui coule. Coupez les carottes issues de la botte, pareil pour l'oignon et les champignons. Laissez mijoter sous feu pas pressé pendant 1h30, buvez du rosé. Et même s'il le faut, prenez l'apéro. Et même s'il le faut, allez au bistrot. J'achète pour la recette de la blanquette. Prenez un bol, le jaune d'œuf qui colle, puis mélangez à la crème à hausser, incorporez au plat concocté. Faites délayer et laissez mijoter. J'achète pour la recette de la blanquette. Servez avec du riz ou des spaghettis. Servez bien chaud la blanquette de veau. Et rajoutez donc beaucoup de citron. Buvez avec ça un petit vin sympa.